Décembre s'écoule le lendemain, ce mois noir, trop sombre au fond de l'année. La vie enfermée recommençait comme l'an passé. Jeanne ne s'ennuyait point cependant, toujours préoccupée de Paul, que Julien regardait de côté d'un œil inquiet et mécontent. Souvent, quand la mère le tenait en ses bras, le caressait avec ces frénésies de tendresse qu'ont les femmes pour leurs enfants, elle le présentait au père en lui disant « Mais embrasse-le donc, on dirait que tu ne l'aimes pas. » Il effleurait du bout des lèvres, d'un air dégoûté, le front glabre du marmot, en décrivant un cercle de tout son corps, comme pour ne point rencontrer les petites mains, remuantes et crispées. Puis il s'en allait brusquement. On eût dit qu'une répugnance le chassait. Le maire, le docteur et le curé venaient dîner de temps en temps. De temps en temps, c'était les Fourville, avec qui on se liait de plus en plus. Le comte paraissait adorer Paul. Il le tenait sur ses genoux pendant toute la durée des visites, ou même pendant des après-midi tout entiers. Il le maniait d'une façon délicate dans ses grosses mains de colosse, lui chatouillait le bout du nez avec la pointe de ses longues moustaches, puis l'embrassait par élan passionné à la façon des mères. Il souffrait continuellement de ce que son mariage demeura stérile.